C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles de papillons. Bonjour tout le monde, salut, vous écoutez Tortoli et Arbatax sur Radio Panix, le 105.4, ou en différé avec nos podcasts sur Internet, ou sur Internet tout simplement en direct. Voilà, maintenant on est posé le mercredi à la place de G-Boutique, qui a pris notre créneau le mardi. On les remercie de nous avoir laissé le mercredi. Arbatax n'est pas là cette semaine, mais il reviendra la semaine prochaine a priori. Voilà, on va comme d'habitude, Tortoli Arbatax, c'est un générique un peu pourri et un classique pour finir, un morceau classique, et surtout du bon son et un petit agenda culturel, et voilà, 2-3 conneries. On va attaquer direct avec Florence and the Machine et le titre You Got the Love, remixé par le duo britannique comme Florence and the Machine, le duo britannique The XXXX. C'est parti. You've got the love, you've got the love. life, the things I love you lose. You got the love I need to see me through. You got the love, you got the love, you've got the love. You got the love, you got the love, you've got the love. You got the love, you got the love, you've got the love. You got the love, you've got the love. Radio Panique. 105.4. Radiopanique.org. Vous êtes heureux. Tortoli aussi. Oh yeah. For all my tears, times you hurt me, treated me. C'était Caribou avec le titre Odessa. Odessa, une ville d'Ukraine, au nord de la mer Noire. Voilà. Et juste avant Caribou, c'était Florence and the Machine avec un remix de The XXXXXX, comme vous le sentez, quoi. Et Caribou qui seront en concert au Botanique au mois de novembre à Bruxelles. Voilà, ça c'est pour les Bruxellois. Caribou des Canadien, forcément, avec un nom comme ça. Fallait s'y attendre. On commence cette émission Tortoli Arb Attack un peu doucement, pop rock, tranquille, pour se finir un petit hip hop, un petit reggae, un petit électro, un peu plus énervé, voilà, pour rentrer tranquillement dans l'apéro. On va s'enchaîner juste derrière après Breakbot, et le titre c'est Baby I'm Yours. Voilà, Breakbot, un poulain de l'écurie Headbanger qui fait ici un titre avec Irfan, Breakbot, Baby I'm Yours. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that night. Someone trying to mind. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand that your wish is my command? What can I do to make my baby understand? Something tells me that I'm dreaming. I can see it there, waving unaware. A problem that have a tendency to keep. You are Aujourd'hui, Tortoli se la joue solo. Sans Arbatax. Mais avec du bon son. C'est de 18h à 19h et c'est sur Radio Panique. Oui, madame. Yeah. écoutez Radio Panique. 105.4, radiopanique.org. Vous êtes heureux. Wow, wow, wow, wow, wow. On se calme, on se calme, on se calme. C'était juste avant, c'était un remix de The Unit. Voilà, The Unit, un vieux groupe des années 70-80. Et voilà, on va passer à l'agenda, que l'agenda culturel, l'agenda culturel. Voilà, je vous fais même le plaisir de faire ce petit jingle sans mon ami Arbatax. Sachez que vous écoutez Tortoli et Arbatax sur le 105.4, radiopanique.org. Voilà. Je vais vous brosser rapidement l'agenda culturel de ce week-end et de cette semaine, de cette fin de semaine. Voilà, tout d'abord, ce que je vous propose, c'est par exemple, ce week-end, les fêtes de Wallonie à Namur où notamment on pourra retrouver Ayam, le peuple de l'herbe et Naive New Beaters. D'ailleurs, on va vous passer sûrement un petit son juste derrière. Enfin, je dis on, mais je suis seul, mais je vais vous le passer quand même. Hormis ces fêtes de Wallonie qui auront lieu jeudi, vendredi, samedi à Namur, sur différentes places, c'est gratos, etc. Il y a aussi au Parc du Cinquantenaire le festival, ou plutôt une grosse après-midi, voire soirée, recycle avec les groupes The Peace Project, Success, Surfing Leon. Voilà, c'est gratuit, c'est au Parc du Cinquantenaire. Voilà, les Bruxellois, vous connaissez forcément. Il y aura aussi pas mal de stands, des marchés, un village associatif, brocante, etc. J'en passe, et des meilleurs. Dans un autre genre, complètement, il y a la pré-partie de I Love Techno. I Love Techno, ce festival qui se déroule à Gand à la fin du mois d'octobre. Voilà, la pré-partie, elle a lieu au Fuse. Au Fuse, voilà, une boîte un peu dégueulasse. Mais là, ce coup-ci, il y a une programmation qui est plutôt pas mal, à savoir Paul Kalkbrenner, ce que j'arrive jamais à dire, Paul Kalkbrenner, voilà un Allemand qui a signé sur le label de Hélène Alien, B Pitch. Il vous en coûtera 16€ en pré-vente et 19 à la porte. Voilà, il y aura notamment, ouais, donc il y a Paul Kalkbrenner et puis voilà, il y a 5-6 autres DJ. Voilà, ça bourrine un peu. C'est le 18. Soit dans 3 jours, ouais, ce qui est jeudi 16, vendredi 17, donc c'est samedi 18. Voilà, pré-partie I Love Techno au Fuse avec Paul Kalkbrenner, que je n'arriverai jamais à dire. Dans un autre genre, on repasse dans un autre genre, le festival Canal, qui est un festival qui va se dérouler tout le week-end. Ça commence vendredi à partir de 17h, ça fait samedi toute la journée et dimanche surtout toute la journée. Le festival, il a lieu en fait tout autour du canal. Voilà, vous connaissez le canal, c'est autour de la porte de Flandre. Voilà, il y a diverses activités et il y a surtout de nombreuses performances, de nombreuses activités, disons, musicales, avec notamment des chorales. Il y a tout un tas de performances live, que ce soit art contemporain, art un peu plus moderne. Voilà, je vous encourage à venir voir, c'est gratuit. Il y a aussi des balades en bateau qui se font, notamment avec par exemple, vous allez avec, vous prenez le bateau direction Vilvorde. Il y a un urbaniste qui vous explique à l'aller un peu pas mal de concepts sur le canal. Et au retour, vous avez un petit discours d'un architecte aussi bien pointu. Voilà, c'est le festival Canal. C'est vendredi, samedi et dimanche, et c'est à Bruxelles, comme d'habitude. On s'enchaîne direct, je vous avais parlé de la fête de Wallonie. Les fêtes de Wallonie où on retrouvera Naive New Beaters. Naive New Beaters, un groupe parisien qui a des origines vaguement américaines. Et là, sur ce coup-là, ils reprennent un titre d'un mec qu'on apprécie beaucoup dans Tortoli Arbatax, c'est Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, le rappeur français. Voilà, le titre s'appelle Tirer des traits. Et voilà, Trait Dance Floor, un remix par Naive New Beaters. Sans escalier, j'ai grimpé à l'étage. La vie, un livre dont il faut tourner les pages. Les cours, c'était pas cubique. Un QI élevé n'explique pas les bulletins d'un cancre chronique. J'ai arrêté l'école avant de la quitter. Hélas, en dessous de mes capacités, les plans qu'ils avaient pour nous, je les ai déjoués. T'as fait nous fait chier au risque d'échouer. De toute façon, on va pas se plaindre. Nos parents se sont saignés.

De retour. Vous écoutez Tortoli et Arbatax, ou plutôt Arbatax un peu seul. Mais voilà, accompagné de bons sons, bonne musique. Juste avant, c'était Le Peuple de l'Herbe avec le titre Look Up, issu de leur dernier album. Et juste avant Le Peuple de l'Herbe, on s'est écouté un remix qui tue, qui s'appelle Tirer des traits. C'est Naive New Beaters qui fait un remix de Oxmo Puccino, le rappeur français parisien, tout comme Naive New Beaters d'ailleurs. Voilà. Dans la même veine de remix, je vais vous passer un petit Dub Quelly. Alors Dub Quelly, ça signifie dub, comme tout le monde peut le comprendre. Et Quelly de Talib Quelly, le rappeur américain. Voilà, c'est un remix, c'est une compile qui est issue d'un remix, pardon, de Max Tannon, le même mec qui avait fait Mos Dub, à savoir des remixes de Mos Def en dub. Et là, bah, il nous refait un peu la même, mais avec Talib Kweli et un gros son dub reggae. Talib Kweli remixé par Max Tannon, et le titre, ça s'appelle Your Gospel. Cause they club you to death. I could call them Navy SEALs cause they government fed. What become of the vets? They drugged up, they fucked up, they in debt. There ain't no love and no respect. It's like a gang, it's like a club or a set. Hip hop, the WWF. What do you rap and do you wrestle? Niggas love to forget. We got this boy, you think you're on, you still hustling back. With your topical norm, a tropical storm, it's a fucking disaster. Back to the top, we on it all, started at raucous. They couldn't find the words to describe me, so they resort to the shortcuts to see your backpacker. To see a mad rapper, an entertainer, or the author of the last chapter. We living in these times of love and cholera, synonymous with the apocalypse. Look up the clouds, it's ominous. We got maybe 10 years left, say meteorologist shit. We still waiting for the Congress to acknowledge this. I got that. Yeah, baby, she's leaving. Did you hear that? Express yourself, right now. What the people say, we wanna live it up. What the people want, please let me grow. You ain't promised tomorrow, so get your paper up. You can't always just borrow and ask for favors, bruh. Stand on your own, too, never cover the neighbor's stuff. Karma's a bitch, watch your mouth for what you're saying, bruh. I start a conversation based on general observation. Hip-hop is not a nation, take it to population. Niggas got a lot to say when locked inside the belly of Satan. Awaiting trial, debating how the hell I got placed in this system. Am I a victim or just a product of indoctrination? They exploited and used me like a movie with product placement. You hear the congregation, this is the hostile gospel. The truth is hard to swallow, it'll leave you scarred tomorrow. Keep it honest, our motto. These niggas keep it bottled. I'm the writer who reached the fighters like speeches by custom model. DJs digging the vinyl like Pucks and Rottles. Supplies ride around the block in the custom models. Ballin' like it's trucks and lotto. You know who the cleanest is. A nigga keep it rich with the stitchy greedy genius ears. I'm not a hipster, but I flip it like a sneaker pimp. Exposed to game, treated like a bitch. Smack fire at these hoes if they snitch. Attack wise while I plead the fifth. Can't trust a soul in his beers. Be careful who you eatin' with and sleepin' with. And also who you cheapin' with. You never know, they might have added in secret ingredients. Yeah. I wanna hate on my baby, she's leaving. Did you hear that? Express yourself right now. Ooh yeah. This is the hostile gospel. What? Freedom's a road to seldom travel. Watch all unravel right before the eyes of the soldier who fell in battle. Freedom. Single mother who raised a daughter to bear the sacred water. And I take the hand of every man who make an offer. The black kids wishing they white kids when they close the eyelids. Like, bet they neighborhood ain't like this. White kids wishing they black kids wanna talk like rappers. It's all backwards, it's identity crisis. The industry inside us, the vipers with banks trying to bite us. Drug supplies, it's the healthcare providers. We're taking, making narcotics out of household products. We ain't working out to exercise the demons that's inside. Plus the scene that just provide us with enough rope to hang ourselves, enough dope to slang ourselves, enough toast to bang ourselves. It's officially nigga season. These niggas are bleeding. That's why I'm spitting freedom. We had enough to trick and squeeze, and people wanna live it up. This is the hustle gospel. What? Hip hop. Yeah. pas de sang là, j'ai trop peu de sang là. Ouais, ouais. Ha. Tu le sais. C'est ça. Ouais. Ah oh, ouais. Back dans la case basse, c'est du sérieux, ça blague pas. Toujours là et on casse pas. Fidèle aux règles, on triche pas. Le team est asiatique, pas besoin que je précise. Y'a 20 piges cancer terminé, le stock ne s'épuise pas. Donne-moi un son cru, je mordrai dedans en plein temps. Distillerai des fresques rares comme Christ de Foix au Soudan. Dessinerai des mots pleins de soufre et de rose. Booster la cause, c'est le but, poisson, cursus, trop d'équimose. Ici on ose, c'est le mot d'ordre de ceux qui dorment. Reste à la porte, coincé entre l'oubli et d'autres MC décédés. Fermement décidé à ne pas se laisser décider. À grands coups de décibels, les gants de nos cages dévissés. Rien ruiner le score, salement, crânement. Bouillant, coulé de lave, se répandant sur le ciment. Disque et récalcitrant, fuyant, criant comme si mal. Ce crewman fait si mal, j'ai six hommes et six balles. Range ton six coups, apprécie le flot qui s'écoule. Précis mes lourds, on déboule, sans armée avec de crosse. Hors course, hors norme, sans borne, loin de là où l'or dort. On puise à la source, dès lors on perd tout. Tu le sais. On est dans le coup et les jours nous entraînent où ils veulent. Et c'est ça qui nous fait avancer, vraiment blague à part. On doit résister aux assauts d'une poignée de ploucs et de cons affamés de pouvoir. Ouais, c'est Masada. Ensuite on leur tend le bâton, ils nous cassent le dos. Quand nos textes et nos flows traînent uniquement de bastonnades. Même si c'est quoi tes faits d'armes, des battes, des balles et des baffes. Des bandes, des barges et des bas, des points, des blases et des blâmes. Le truc c'est la rue, ok je comprends. Mais dis-moi que vaut la palabre de celui qui te fait une belle accolade. Allez soyons clairs entre nous et disons-le. Les vols de tes rimes et tes phrases, Ronald McDonald. Assieds-toi et tape, et tu sais quoi écrase. Commence à écrire, ton avis est grave, et pense à l'équipe. On est dans la barque avec chaîne menante et entrave, et quoi que tu fasses, notre image est accolée à toi. L'amour, la passion, la bonté, la patience, le respect, les phrases et la beauté dans tes raps, tout ça, ça passe à l'as. Alors pleure pas la rafale, tu l'as bien mérité. Tu le sais comment on chasse de là, sans aucun vague à l'âme. Rien, c'est comme ça. Si tu crois que je fais ces sons pour que la FM les matraque, mauvais casting, moi je suis l'expert en massacre. Ramper devant ces radios, c'est pas ma tasse. C'est bâtard, tout ça, j'en ai ma claque. Mon rap bavard, droit du quartier des cafards, des cafés, des castanes, la café, des cao-cao. Des news macabres, des gars, on passe à la cave. Style de rap New York, tu sais ça c'est ma cave. Tout le monde à la brique, en dehors ça fait clac-clac. On a bien grandi, sans loin les mecs t'es pas câble. Ils disent que notre message s'apparente au saccage. Qu'on grimpe au gravat, agile comme des macaques. Nos mères voulaient des TB, des WAM dans la classe. Nous on a fait TB, ramener des tracas. Des cartes des braquages, des pertes des fracas. Des cardjacks en cagoule et survêtes capas. Beaucoup d'embrouilles commencent par quelques blabla. Et se terminent dans une rue avec des blabla. Des petits cons veulent des repères, je crois que c'est fatal. Monte le son, salut c'est moi, et ouais c'est papa. A l'aise en trois bandes, à l'aise en costard cravate. Ça chiale, ça se branle et moi je cravache. Cabale, travail, ravage, fais de mon mieux. Vendredi, ce qu'aujourd'hui relève du gavage. Même les tafioles donnent au rôle de malfrat. Ils sont aux voyous, ceux qu'au football et ma frappe. Le tsunami cette année, made in Paca. Toi tu rappes au Milan, car tes couplets sont caca. Sans faire de faux pas ni de combat, on est fait, j'en ai pensé. Coup d'œil au rétro, y'a trop d'MC parti en émancé. Coup de frein, merde, mes sentiments, qu'elles sont leur chance. Pas défendu, les cercles là, à la fin de la séance. Sans faire de faux pas ni de combat, on est fait, j'en ai pensé. Coup d'œil au rétro, y'a trop d'MC parti en émancé. Coup de frein, merde, mes sentiments, qu'elles sont leur chance. Pratiquement ne les sera plus là à la fin de la séance. Radio Panique 105.4 radiopanique.org. Voilà, ce qu'on vient juste de s'écouter avant, c'était IAM, issu de leur dernier album, saison 5, ou je sais plus vraiment si c'est le dernier album, peu importe. Le titre s'appelle Tu le sais. Et voilà, ça mettait bien en avant le flow des amis Shuriken et Akhenaton. Juste derrière, je vais vous parler d'une petite opération, promotion un peu rigolote de notre ami DJ Shadow. DJ Shadow, un éminent DJ venu des States DJ Shadow, il a eu la brillante idée de faire un coup marketing assez inédit, ou plutôt un espèce de pied de nez au téléchargement, lui qui opposait au téléchargement et qui au téléchargement illégal bien sûr. Et voilà, qui dit que pour lui aussi, envoyer un MP3 à quelqu'un, même si c'est payant, voilà, c'est quand même assez négatif et ça touche à la valeur de la musique. Donc voilà, DJ Shadow, il a planqué en fait des vinyles inédits dans plusieurs magasins d'Europe et des States. Et voilà, il a planqué du coup ces quelques vinyles dans des magasins. On ne sait pas si c'est des gros magasins, des petits disquaires. Peu importe, toujours est-il que ces vinyles sont cachés quelque part dans les étalages. Et voilà, ils contiennent deux gros titres, deux titres inédits qui sont issus de son futur album. Et voilà, en fait, le but, lui, il dit que c'est pas d'essayer de faire le malin, c'est juste essayer de faire passer la musique de la manière la plus fluide possible. Voilà, il dit offrir des vinyles plutôt qu'un morceau en téléchargement à ses fans. Donc voilà, offrir des vinyles de cette façon, en rentrant dans les magasins, hop, il glisse son vinyle au milieu des étalages. Et voilà, elle est belle, les gens ils ont plus qu'à chercher. Et voilà, ils passent leur temps à chercher. Donc on l'a. Voilà, d'un côté, c'est un peu frustrant parce que on peut passer notre temps à chercher ça. Mais d'un autre côté, il faut savoir que le bonhomme, il a aussi. Mis ces deux titres issus de ce gros vinyle en téléchargement libre et donc légal sur son site internet. Voilà, donc DJ Shadow, vous retrouverez ces deux morceaux sur son site internet. Quand je dis libre, ça veut pas dire forcément gratuit, c'est aussi là pour ce coup là c'est payant et légal. Et voilà, DJ Shadow avec le titre Death Surround et I've Been Trying. Un petit pied de nez au téléchargement de MP3. Voilà, on va d'ailleurs s'écouter un de ces deux titres qui s'appelle Death Surrounds US par DJ Shadow. One written using some contemporary techniques, though we are alive, death surrounds us. On whom can we call save to thee, O Lord?

mais y'a que dans les rêves que je me retrouve en place. Plus rien au réveil, sous un soleil de plomb, représente du sud au nord, l'espérine du président, l'état d'or sur un tas d'or. Opération coup de poing. Nana wa ya ya ya ya. Ça sera qui? Brigadier Mamadi. C'est Raki. Le jour se couche, microphone brèche, FF en live, faut se rapprocher, réalité, la furie, la foi. Dédicace au faux d'Adré K.O. Daddy Mamadi avec la famille, c'est chaud. Représente la mafia des Comores, dans un putain de décor. Qui disait tout fort qu'on était mort. Mis sur la musique comme bas parce qu'elle me ramène pas de fric. Attends le déclic pour une vie plus chic. Fumer femme, Sim Guranza, j'pourrais vous dire la musique de France. Changer la tendance, car oui, plus de chance. FF, nique le show, tu peux crier codon. Parce que la jeunesse n'a plus le temps de faire dodon. C'est sa rémission que des fausses visions dans les quartiers de. Comment sont pas en croisade contre l'État avare. Représente les cartes, c'est dissensible en France et Navarre. Regard à gare sous pétard, on craque les nantis. Politiciens repartis, pas en bouche qui gonce et c'est reparti. On se prétend pas propre, donc on donne pas de leçons. Tracheur de mon sang, rémission sur des fonds qui sont. Comment sont pas en croisade avec le troisième œil. Impérial asiatique man, sans rémission. Pour tous les quartiers de Marseille, sans rémission. À travers la France, sans rémission. Opération Marsan. Remission pour le troisième œil. FF de Mars, Espagne. FF de Mars, sex unique toujours. FF de Mars, Espagne représente Marseille. Mars, sex unique toujours. FF de Mars, Espagne, sex unique jamais. Mars, sex unique toujours. FF de Mars, Espagne représente FF de Mars, sex unique.